Avec l'avènement de la technologie, les ordinateurs, les tablettes et les téléphones cellulaires qui sont partout autour de nous et qui nous sollicitent sans arrêt, avec le travail exigeant couplé avec notre désir de performer, avec les obligations familiales et tout ce dont il faut s'occuper dans la vie que nous menons, alors nous sommes de plus en plus stressés. Alors, avec tout le stress que nous subissons, y a-t-il un impact sur notre sexualité? C'est la question que nous allons poser à notre sexologue Julie Rouleau. Bonjour Julie. Bonjour François. Alors François, bon début de saison d'automne 2019. Je suis heureuse d'ouvrir la saison avec vous. C'est un peu comme débuter une nouvelle session, une nouvelle année scolaire, vous trouvez pas? On retrouve le même sentiment propre à la nouvelle année. On se souhaite un renouveau après s'être reposé. On a pris des belles résolutions, on a passé du temps en famille, on a pris du temps pour soi. Mais le stress, l'anxiété, on dit qu'on laisse ça derrière nous. Mais que voulez-vous, François? La routine revient et nous voilà encore sur-dessus dessous. Donc, tu l'as dit, la conciliation travail-famille et couple, hein, la sexualité, ça date pas d'aujourd'hui, mais semble plus que jamais d'actualité. Les sources de stress ne cessent d'augmenter pour certaines raisons, parmi lesquelles la multiplicité des rôles qu'on a dans notre société, l'augmentation de la précarité au niveau de l'emploi, ou encore par l'absence de plus en plus prégnante de la pleine conscience, conjuguée à la façon contradictoire à laquelle on recherche l'accomplissement de soi et la fameuse quête du bien-être. Donc aujourd'hui, je vais vous parler de l'impact du stress sur la sexualité. Peut-être tiendrez-vous ainsi vos résolutions plus longtemps. Et le stress, c'est un mot qu'on entend souvent, c'est couramment utilisé, mais ici, Julie, en fait, comment tu le définirais, ce terme? Ben ici, on s'intéresse au concept de stress qui est habituellement généralisé dans le langage de tous les jours, là, comme un surmenage, un surplus d'occupation, une nervosité puis une tension qui est perçue comme négative, avec surtout une réduction, François, d'utilisation du temps pour des activités qui ont un objectif simple de plaisir. Et de détente, c'est ça? Ben tout à fait, on est au contraire de ça. Donc, tu trouveras intéressant, François, de savoir que c'est en 1936 que Anne Seeley, qui est un chercheur canadien, a introduit le concept du stress ou syndrome général d'adaptation pour la première fois. Donc, c'est le fameux trouble d'adaptation, le terme qu'on utilise pour aborder ou introduire là, le burn-out, le surmenage. Selon lui, chaque individu dispose d'un capital d'adaptation qui lui est propre et la résistance de l'individu face au stress dépend de l'état d'épuisement de ce capital. Donc, comme l'épuisement, en fait, là, d'une limite de carte de crédit personnelle. Ou d'un compte en banque, c'est ça? Bien, tout à fait. Donc, c'est indispensable de se connaître, de connaître ses limites, son potentiel d'adaptation pour ne pas épuiser là, son capital d'adaptation. Donc, au niveau physiologique, le stress est une réaction de l'organisme à un effort extrême ou important. Donc, en général, le stress active un processus hormonal et nerveux basé sur un état d'alerte qui explique l'augmentation du rythme cardiaque et de l'état de vigilance, hein, nous dit le pharmacien français Xavier Groufant. Par une activation hormonale, le stress porte atteinte au système sympathique qui va en cascade se répercuter sur nos cognitions, nos comportements, qui provoque ainsi un excès de vigilance puis de protection du corps, ce qui a un impact direct sur le désir sexuel. Alors, le stress peut réellement avoir un impact, en fait, un effet sur la sexualité des hommes et des femmes? Ben oui, en effet, François, quand le taux de vigilance est élevé, la personne est tendue dans son corps, n'est pas présente à soi, à son partenaire, elle ne peut pas se concentrer sur les sensations, le plaisir ressenti qui pourrait induire l'augmentation à la fois de son désir et de son excitation sexuelle. Elle aura donc évidemment de la difficulté à lâcher prise en laissant place à des cognitions qui peuvent être erronées, donc des fausses croyances, et ainsi elle peut être coupée, dissociée de son corps en laissant des pensées anxiogènes prendre le dessus sur son abandon à la relation sexuelle. Et Julie, tu as mentionné que le désir sexuel était celui qui était d'abord impacté par le stress. Est-ce que tu peux nous en parler davantage? Oui, tout à fait. En sexologie clinique, le désir sexuel s'inscrit dans une notion de psychosexualité, c'est-à-dire dans une vision d'interaction entre des facteurs individuels et uniques pour chaque personne, venant du développement propre de sa sexualité. La notion de désir sexuel est donc dépendante de multiples facteurs qui ont tous un rôle à jouer dans son expression. Mm-hmm. Il y a d'abord les facteurs individuels dont il faudra tenir compte, là, qui concernent à la fois des critères d'ordre biologique, donc en fait les hormones, psychologiques, donc la perception de l'individu en tant qu'être sexuel, la perception de son image corporelle, mm-hmm. personnelle, qui est très importante. Ensuite, les facteurs cognitifs, donc la présence de pensées anxiogènes, le trouble de l'humeur, résistance au stress dont on a parlé tout à l'heure. Il y a aussi les facteurs relationnels, hein, la perception de son attractivité par rapport au partenaire, la façon de communiquer, la façon dont on s'exprime personnellement. Et finalement, les facteurs expérientiels, donc son apprentissage, ses expériences liées à la sexualité puis à l'éducation. Donc, le DSM-5, vous savez, François, notre cher dictionnaire de la santé mentale qui est utilisé par les professionnels œuvrant dans le domaine, enfin, définit le désir sexuel comme la première phase du cycle de la réponse sexuelle humaine, qui comporte d'ailleurs l'excitation sexuelle, l'orgasme et la résolution. On pourra aborder ces phases à un autre moment. Donc, cette première phase, la toute première du désir, est décrite comme se manifestant donc par des fantaisies et un désir d'avoir des relations sexuelles. Donc, il est là l'impact du stress sur le premier désir, l'étincelle. Très intéressant. Et est-ce que les femmes et les hommes sont impactés différemment par le stress? Bien, comme on l'a abordé tantôt, François, le désir sexuel est d'abord individuel, donc ensuite en relation avec l'autre. Il fluctue également au cours de la vie. Sur le plan individuel, il semble que les femmes peuvent être plus fragiles au niveau de leur désir sexuel que les hommes, de par leur façon de fonctionner, tout simplement, tant au niveau physiologique que psychologique. Donc, d'abord, les hommes, dans leur physiologie, ont un précieux atout avec la présence de la testostérone. Donc, il peut apparaître plus facile pour eux de pallier à l'impact du stress sur leur fonction sexuelle. Toutefois, je trouve important d'aborder, là, il faut dire que les mécanismes qu'ils prennent, par contre, pour faire face au stress peuvent avoir un impact collatéral sur leur sexualité et leur réponse sexuelle. On peut penser à la consommation d'alcool ou de drogue pour pallier au stress. Au niveau psychologique, les femmes ont davantage de difficultés à se concentrer sur leurs désirs en se laissant parasiter plus facilement par des facteurs environnementaux tels que les conflits, contrariétés, présence des enfants. Et au niveau physiologique, elles n'ont que très peu d'androgènes pour pallier à ces facteurs environnementaux, là, contrairement aux hommes. Donc, si les femmes peuvent être plus sensibles aux conditions environnementales, interactionnelles dans l'expression de leurs désirs, ça peut les rendre plus vulnérables au stress. Tu sais, il faut dire que les femmes sont souvent multitâches, ils ont une charge mentale élevée, par conséquent, elles peuvent souffrir davantage de difficultés à déléguer et ça augmente encore une fois leur niveau de stress. Donc, et je trouve ici important de mentionner que c'est pas tant que c'est naturel, ces différences entre les femmes et les hommes. Évidemment, les hormones, c'est très naturel. Mais ensuite, il y a toutes les conséquences du poids des stéréotypes sexuels sur le partage, en fait, des responsabilités familiales et autres. Donc, le temps alloué au désir sexuel, aux cognitions positives reliées à la sexualité, s'en trouve très facilement perturbé puis amoindri. Et finalement, Julie, on souhaite à nos auditrices et auditeurs de prendre le temps d'analyser les agents stresseurs dans leur vie pour une sexualité épanouie? Ben oui, François, la notion de stress a évolué, on l'a dit, hein, nos modes de vie sont surchargés pour plusieurs raisons, les modèles familiaux se multiplient, familles recomposées, monoparentales, aidants naturels, la présence massive des deux parents sur le marché du travail, rapidité d'apparition de nouveaux modes de technologie de communication, on a une course à la consommation avec la création, puis ça nous crée de nouveaux besoins. Donc, faisons attention. Faites attention à vous, chers auditeurs et auditrices, en réduisant les sources de stress dans votre vie et faites place au moment dédié au plaisir sain et votre vie n'en sera que plus belle. Donc, bel automne à vous tous et à vous toutes. En effet, Julie, je pense que en fait, il faut tous prendre conscience de notre niveau de stress afin d'envisager des mesures pour le réduire s'il est trop élevé, pour se donner toutes les chances d'avoir une sexualité épanouie. Tout à fait, tu as tout compris. Merci François. Merci Julie Rouleau et nous allons faire une courte pause musicale, après quoi Marie-Claude Dionne nous parlera d'une nouvelle méthode pour identifier les os.